Si tu es bien là, moi je n'aime que toi. Si on s'amuse parfois, moi je n'aime que toi. Si l'on va au théâtre, moi je n'aime que toi. Oui, tu le sais ça, moi je n'aime que toi. Manger une crêpe salée, toute dégoulinante, d'un pauvre saumon fumé, accompagné d'une menthe. Et le printemps revient, bientôt les crottes de nez, et l'amour du parpaing, des chaussettes de bébé. Si tu aimes la guitare, moi je n'aime que toi. Et si tu es jolie, moi je n'aime que toi. Si tu veux bien de moi, moi je n'aime que toi. Et moi ce soir Sarah, tu me prends par le bras. Lorsque tu as peur d'une petite chose qui marche sur la scène, tu me prends par le bras. Et moi jolie Sarah, moi je n'aime que toi. Manger une crêpe salée, toute dégoulinante, d'un pauvre saumon fumé, accompagné d'une menthe. Et le printemps revient, bientôt les crottes de nez, et l'amour du parpaing, des chaussettes de bébé.